Adopi joue à cache-cache, 3W/Adopi, elle avait des ailes, elle a quitté son URL. Adopi aime les artistes, oui mais seulement ceux du ministre, évidemment la cage au folle dans ses favoris caracoles. On dirait qu'Adopi se taille, il y aurait trop de racailles, selon Mitterrand le minus, qui ne pourra pas en dire plus. Et à la place nous aurons le site de François Fillon, le site du premier sinistre qui s'appelle J'aime les artistes.